Les masses médias de divers pays ont traité la nouvelle des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Les agences de presse TASS et RIA Novosti, le journal Kommersant et la LINTV, le journal d'internet Yeznaya Korea, la revue d'internet L'Institut de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, le réseau Planète de Chine, la télésur du Venezuela, les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études de Kim Il-sung et Kim Jong-un et du Comité national d'études des études judiciaires du Congo démocratique ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un a dirigé l'épreuve de tir des compagnies de lance-fusées des grandes unités combinées de l'armée populaire de Corée et les exercices de raid nocturne des pilotes du régiment de chasseurs héros Kim Yong-jo. Les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études de Kim Il-sung et Kim Jong-un et de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée ont informé de son assistance aux épreuves de ski Massignon 2016. Et le homepage d'internet du forum allemand anti-impérialiste Les Nouvelles des Inspections a informé de sa direction des exercices de combat des militaires du bataillon d'opérations spéciales directement relevant de l'unité 525 de l'armée populaire de Corée. Les masses médias ont présenté les photos du maréchal Kim Jong-un.